Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la Voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. 15 minutes d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, Amnesty International, association de lutte pour la promotion des droits humains à travers le monde, avec Krim Messaouden, membre du bureau du groupe Amnesty International de Nancy. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Bonjour Krim Messaouden. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pourriez-vous nous présenter d'abord Amnesty International et son projet ? Alors Amnesty International est une organisation mondiale qui existe depuis 1961. Ses missions se résument en quelques mots, en cinq points importants. D'abord, pour défendre les prisonniers d'opinion, de demander leur libération inconditionnelle, travailler pour et militer pour l'abolition de la peine de mort, l'abolition de la torture, travailler sur les questions économiques et sociales, les droits économiques et socioculturels, et bien sûr, d'une façon générale, participer à la promotion des droits humains à travers le monde. Et donc on a des missions extrêmement vastes et éminemment politique. Et vous êtes présent dans de nombreux pays à travers le monde. Amnesty International est présente sur les cinq continents. Plutôt représenté en Europe, quelques pays d'Asie, africains et américains, bien sûr. Ça représente à peu près 80 sections à travers le monde, plus des antennes et ce qu'on appelle des militants internationaux. Donc c'est un réseau extrêmement vaste pour défendre les droits humains. Et pour revenir sur Nancy, sur le cadre nancéen, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que l'on peut vous trouver à Nancy ? Alors, le groupe se retrouve une fois par mois en réunion dans les locaux du CLID, au 29 rue Gilbert de Bexéricourt, qui va être... Donc d'ici une année ou d'ici un an et demi, ça va être déménagé du côté de la manufacture, donc de nouveaux locaux. Donc c'est une réunion mensuelle, c'est plutôt tous les premiers mercredis du mois. D'accord. Et n'importe qui peut vous rejoindre ? Toute personne, donc à partir de 18 ans, peut adhérer à un groupe local, soit en tant que membre actif, c'est-à-dire membre du groupe, membre de la section française, ou simplement en membre individuel, c'est-à-dire ne pas participer aux actions du groupe, mais participer par des cotisations et des activités envoyées par la section française directement de Paris. D'accord, donc soit on s'engage en tant que bénévole pour des actions, soit en faisant des dons. Dons, et bien sûr, l'action principale d'un militant d'Amnesty, c'est la rédaction de lettres. Donc, chaque mois, il y a un journal donc, qu'on appelle La Chronique, qui est publié. Et dans ce journal, il y a trois cas d'appel. C'est ce qu'on appelle des prisonniers ou des appels mondiaux. Et chaque membre, membre individuel, membre d'un groupe, écrit ces trois lettres pour demander, en fonction des cas, soit que la personne soit libérée, qu'une enquête soit menée, soit en fonction du cas. Donc, mais dans tous les cas, il y a ces trois courriers à envoyer par mois. Et je voulais savoir comment est-ce que vous choisissez ces cas ? Parce que s'il y a bien, à propos de cet engagement, c'est ce que disait Albert Camus à propos de l'écrivain dans un cadre différent, mais c'était qu'il ne se séparait de personne. Comment est-ce que vous parvenez à choisir les personnes auxquelles vous allez apporter votre soutien ? Alors le choix se fait par le secrétariat international, donc à Londres, et qui fait attention tout d'abord à essayer de ne pas prendre des cas sur un même continent, d'être le plus large possible, à travers une largeur géographique et aussi thématique, c'est-à-dire que sur les violations des droits humains, ça peut être le cas d'un réfugié, ça peut être le cas d'une personne victime d'exactions pour des raisons d'orientation sexuelle, pour des questions ethniques, pour des raisons politiques, etc. Ça peut être aussi sur la thématique de la peine de mort. Et donc, on essaye de, sur les cas à traiter durant l'année, à couvrir un large panel de violations des droits humains. Ouais, un large panel géographique et thématique. Et thématique. Et vous intervenez majoritairement pour des cas individuels ou est-ce que vous pouvez aussi prendre en charge ou apporter votre soutien à une population ? Les deux cas sont possibles. Donc, on peut intervenir sur des cas précis de personnes. Ça peut être des interventions sur une thématique bien précise, comme ça peut être sur un territoire. Donc, dans ce cas-là, c'est plus, beaucoup plus large. Et je souhaitais vous demander comment fonctionne Amnesty International. Vous avez des bénévoles, vous avez des salariés. Comment est-ce que ça s'organise ? Alors, d'autant plus que pour une organisation internationale. Donc, c'est une organisation effectivement internationale qui a son siège principal à Londres, mais il y a des directions régionales, c'est-à-dire des régions comme l'Afrique, l'Asie, les Amériques. Donc il y a des bureaux internationaux qui coordonnent un petit peu tout le travail sur ces régions géographiques. Plus, dans chacune des sections nationales, il y a un bureau, c'est des bénévoles, donc une douzaine de membres, et faire fonctionner toute cette structure, il y a bien sûr des salariés. Par exemple, la section française, il y a à peu près plus ou moins une centaine de salariés qui travaillent au siège d'Amnesty. Alors, il y a ceux qui travaillent sur des enquêtes, ceux qui travaillent sur des traductions, ceux qui travaillent dans un réseau informatique, qui travaillent sur la communication. Donc, il y a diverses branches d'activité dans, lorsqu'on est salarié d'Amnesty International. Il y a un large maillage et une sorte de division des tâches à effectuer. Ouais. Et bien sûr, il y a les bénévoles qui sont les plus nombreux. Ces bénévoles sont là pour participer à la diffusion de l'information et collecte de fonds. Et à propos de vous, Krim Messaouden, quel est votre engagement ? En quoi consiste votre action ? Alors, moi j'ai adhéré à Amnesty pas en France, mais lorsque j'étais étudiant en Algérie, c'est simplement en voyant une affichette sur la porte de la bibliothèque. Et pour moi, c'était une façon de militer d'abord pour les droits humains et surtout avec des gens à travers le monde. Parce que participer à une action avec plein de gens à travers le monde, c'est quelque chose d'assez encourageant. Et mes actions à moi, ça reste au niveau local, c'est faire des tables de presse pour diffuser l'information relative aux violations des droits humains, inciter les non-saints et les non-saints à signer des pétitions, à agir auprès des élus locaux ou des élus nationaux pour que des choses s'améliorent sur ces thématiques. Et quelles actions peut mettre en place quotidiennement Amnesty International et lesquelles auxquels avez-vous participé et vous ont le plus marqué ? Alors, il y a tout d'abord des interventions dans des établissements scolaires, dans ce qu'on appelle EDH, Éducation et Droits Humains. Donc, soit des interventions ponctuelles, soit un travail à moyen, à long terme, avec des équipes d'enseignants dans des établissements scolaires. Ça, on le fait régulièrement à Nancy. Ça peut être aussi des activités comme une marche à travers les rues de Nancy, aussi sur les lieux de mémoire, c'est des choses à ne pas oublier parce qu'il y a énormément, c'est bien de s'intéresser aux violations des droits humains à travers le monde, mais surtout ne pas oublier aussi la proximité parce que sur Nancy, il y a pas mal d'endroits qui sont justement en lien avec ces actions en faveur de la défense des droits humains. Lesquels, par exemple ? Par exemple, la place des Justes, qui est juste d'à côté du lycée Sifflet. Ça peut être l'esplanade de la médiathèque où c'est, qui porte le nom du fondateur de d'ATT Garmonde. Ça peut être le cas de la rue l'Abbé Grégoire qui est du côté de la MJC Pichon. C'est des lieux de mémoire et qui incitent les anciens et les anciennes à se battre pour les droits humains. Vous avez parlé d'ATD Carmonde et de la MJC. Est-ce que Amnesty, au niveau local, travaille en lien avec d'autres associations ? Oui, il y a des actions qu'on mène avec d'autres partenaires, par exemple justement l'ACAT, l'association chrétienne contre la l'abolition de la torture, l'ATD Carmonde, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA. Donc, avec toutes ces structures et d'autres, nous essayons, à chaque fois que c'est possible, de travailler sur des thématiques, bien sûr, en faisant attention que chaque association garde son identité. Oui, bien sûr. Et sur Nancy, comment est perçu votre engagement s'il l'est par les Nancéens ? Est-ce qu'il perçoivent votre engagement et comment le perçoivent-ils exactement ? D'une façon générale, c'est plutôt un accueil très très favorable. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus, que ce soit des citoyens et même les responsables politiques de la région sont assez en accord avec les projet et la philosophie amnistienne. Ça nous arrive parfois, par contre, à des tables de presse, de se prendre la tête avec des gens sur des thématiques, par exemple la peine de mort, ça reste une question qui divise en France. Ouais. La question des réfugiés aussi, mais c'est les diversités d'opinions. Amnesty se bat justement pour qu'il y ait une diversité d'opinions et d'arguments, et ça reste des débats parfois houleux, mais des débats pacifiques. Parce que je me permettais bien sûr de vous poser cette question, du fait du contexte international actuel qui est particulièrement tendu, vis-à-vis des droits humains, justement. Même à l'échelle locale, il faut prendre en considération la perception que les gens peuvent avoir d'un tel combat. C'est souvent un manque d'information sur ce qui mène à à monter les droits des uns contre les droits des autres. Pour revenir à la question des réfugiés, effectivement, Amnesty fait un travail d'explication pour dire que le réfugié n'est pas un adversaire d'un citoyen lambda à Nancy. C'est la situation mondiale qui fait que... Eh bien, il est à souhaiter que votre intervention à ce micro puisse apporter quelques éléments de réponse à des interrogations. Et je souhaitais vous demander pourquoi et qu'est-ce que l'engagement civique pour vous, Krim Messaouden, puisque nous arrivons au terme de cette émission, malheureusement. L'engagement civique, c'est simplement de se dire qu'on peut, quelles que soient ses possibilités, quelle que soit sa place dans la société, on a un rôle à jouer. Le monde, c'est un petit village. Et ce qui se passe à 1000 km, à 5000 km de chez nous, peut nous arriver, les conséquences peuvent arriver assez facilement sur notre territoire. Donc, essayer de promouvoir la démocratie, la liberté et les droits humains, c'est la clé de la paix dans ce village mondial. Eh bien, c'est une superbe conclusion qui, je crois, permettra aux auditeurs de s'ouvrir de nombreuses perspectives, notamment sur l'appréhension de ce village global qui est devenu le monde. Merci beaucoup, Krim Messaouden. Merci à vous. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, c'était Donner de la voix, votre émission engagée sur Fadjet, et je vous souhaite à tous une bonne semaine engagée. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin.